Christophe Hoquet, de lundi à vendredi à 20h30 sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France. France Culture et les éditions Gallimard, associés autour de la collection Tract, le podcast consacré à la vie des idées. Quand le Covid-19 change les règles du jeu, la démocratie n'a-t-elle pas été mise entre parenthèses sous prétexte d'urgence? On ne peut pas et qu'on ne doit pas, ni sur un plan déontologique, ni sur un plan pragmatique et d'efficacité, opposer santé et liberté. De la démocratie en pandémie, par Barbara Stiegler, philosophe, Tract, le podcast, la liberté de penser, la volonté de comprendre, sur franceculture.fr et l'appli Radio France. 16h sur France Culture, on se retrouve demain pour s'interroger sur ce que mangeaient nos ancêtres. Mais à présent, c'est le moment des sciences et c'est avec vous, Nicolas Martin. Bonjour. Bonjour Mathieu. Aujourd'hui, vous nous parlez d'un homme qui aime les voitures, les fusées, Twitter peut-être aussi. Exactement, c'est vous. J'adore les fusées. Pas du tout, on va se poser la question du fondement scientifique de ces multiples entreprises d'Elon Musk. Eh bien, on vous écoute. Merci Mathieu, à demain. À demain. Le futur, c'est lui, la révolution au forceps de l'industrie spatiale, l'avènement incontournable du New Space, c'est lui. Des humains sur Mars dans moins de 20 ans, c'est lui aussi. La voiture électrique, l'avenir des déplacements automatisés dans des tunnels où circulent des voitures autonomes à grande vitesse, c'est lui. L'hyperloop, encore lui. Et puis l'humain de demain, celui qui interface son cerveau directement avec l'ordinateur, c'est toujours lui. Bref, si l'avenir ressemble à un film de science-fiction, ce sera grâce à lui. Mais derrière tous ces projets titanesques, quelle réalité scientifique, économique et humaine? Ou pour le dire autrement, Elon Musk est-il un génie ou un escroc? Show Musk Go On, c'est le programme qui tout double, qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour trancher dans cette épineuse question de savoir si l'homme le plus riche du monde est un visionnaire ou un imposteur, j'ai le plaisir de recevoir Olivier Lascar. Bonjour. Bonjour Nicolas, bonjour à toutes et à tous. Voix bien connue de nos camarades auditrices et auditeurs, rédacteur en chef du pôle numérique de Sciences et Avenir et auteur de ce livre « Enquête sur Elon Musk, l'homme qui défie la science » chez Alizio Science. Et Stéphane Barenski, bonjour. Bonjour. Vous êtes rédacteur en chef du magazine Aérospatium et chroniqueur à l'Express. Mais on commence par un tour de l'actualité scientifique garantie pour une fois 100% sans Elon Musk. C'est avec Natacha Triou pour le Journal des Sciences. Bonjour Natacha. Bonjour Nicolas. Et on commence avec la première greffe d'une oreille fabriquée par bio-impression. Alors c'est une annonce à prendre avec des pincettes car pour le moment, il n'y a qu'un communiqué de presse. Une équipe du Texas mène actuellement un essai clinique sur 11 patients. Une jeune femme de 20 ans qui souffre de microcie, une malformation de l'oreille externe, a reçu un bio-implant 3D. À partir de ses propres cellules, cultivées en laboratoire, pour éviter un tout rejet au moment de la greffe, les chercheurs ont donc fabriqué un pavillon d'oreille qu'ils ont imprimé par bio-impression, un peu comme une imprimante 3D. Si cet essai est confirmé par une publication scientifique, ce serait là une percée. Car pour toutes les stratégies de bio-ingénierie, l'oreille est un organe clé. Si vous touchez à votre oreille, vous constatez qu'il y a différents tissus de type cartilagineux, il y a une architecture, une élasticité, et tout cela, c'est ce qui permet de protéger l'oreille interne, mais aussi de collecter toutes les vibrations qui sont ensuite transformées en son. Ce sont tous les enjeux de la bio-impression 3D, mettre au point une forme avec une grande précision, mais aussi tester des biomatériaux qui seront le plus proche possible de notre anatomie. Stéphane Chavanas est chercheur INSERM au TUNIC, le Toulouse Neuroimaging Center, où il fait de la bio-impression 3D d'organoïdes. Ils sont partis d'un modèle qui est l'autre oreille de la patiente. Ça, c'est la première étape d'une bio-impression 3D, c'est définir le motif, le numériser, en faire vraiment un patron de bio-impression, à partir duquel ils ont réalisé une impression 3D. C'est-à-dire que là, on imprime des couches successives d'un gel, d'un hydrogel qui contient des cellules. Ils ont prélevé des cellules du cartilage de cette personne, les ont multipliées, amplifiées in vitro, de façon à en avoir une biomasse suffisante de plusieurs milliards de cellules, qu'ils ont incorporé dans ce qu'on appelle l'hydrogène. C'est un biomatériau qui est compatible avec la vie des cellules et leur croissance et qui va aussi être optimisé de façon à avoir certaines propriétés mécaniques. Et l'hydrogène, tout ce qu'on a comme info, c'est qu'il est à base de collagène. Il n'y a certainement pas que ça. Tout cela, ça va nous faire une belle oreille en gel, mais ça suffit pas. Parce que comme on est dans la bioimpression et non pas dans l'impression 3D classique, on va avoir un objet en gel qui ne va pas avoir de tenue propre. Donc, ils l'ont imprimé dans un échafaudage solide qui reproduit aussi la forme de cette oreille et dans lequel est imprimé le biomatériau contenant les cellules dont je viens de vous parler. Et ce matériau est, comme on dit, sacrificiel, c'est-à-dire qu'il va avoir une utilité pour maintenir la forme de la nouvelle oreille, faciliter l'opération chirurgicale qui vise à greffer la nouvelle oreille sur le sujet, et puis après être peu à peu dissous et digéré, soit par l'activité métabolique des cellules qui sont sur place, soit par son instabilité intrinsèque. Donc on va s'en débarrasser. C'est pour ça qu'on l'appelle sacrificiel. Une fois qu'ils ont cet objet biologique, ils l'ont greffé sur la patiente et, je pense, recouvert de la peau de la patiente. Alors je le précise parce qu'il y a une inconnue là-dedans, c'est la vascularisation. Donc je pense qu'il compte sur la vascularisation de la peau qui va recouvrir le nouveau pavillon. Après, reste à voir sa stabilité, le temps que ça va prendre, c'est clairement une étape, oui. Voilà, et comme tous les jours, le lien vers l'étude est à retrouver sur notre fil Twitter, @laméthodefc, ainsi que sur le site de l'émission sur franceculture.fr. Et on passe au bref. Un nouvel équipage est à bord de la nouvelle station spatiale chinoise pour finir sa construction. Tiangong, ou le Palais Céleste en chinois, connaît sa dernière étape de fabrication avant de devenir opérationnel en 2023. Le nouvel équipage est arrivé à bord dimanche dernier. Les trois taïkonautes sont en charge de finir les travaux et l'assemblage de la station, de connecter les deux modules de laboratoire au module central où ils logent. La station spatiale devrait avoir une forme de T. En termes de taille, elle est aussi grande que l'ancienne station soviétique Mir, mise en orbite entre 1986 et 2001. Et dans 6 mois, à la fin de leur séjour, deux équipages chinois vont se croiser pour se passer le relais. Tiangong sera dorénavant toujours occupé, et ce, pour ses 10 prochaines années. L'avenir de l'accélérateur de particules, le FCC Future Circular Collider, est compromis. Oui, le projet du FFC s'annonce être le plus puissant, le plus grand, et devrait produire 1000 fois plus de collisions que l'actuel LHC, le grand collisionneur de Hardon près de Genève. Le FFC devrait être construit entre la France et la Suisse, avec un anneau souterrain de 140 à 230 mètres de profondeur. L'étude de faisabilité pilotée par le CERN est en cours et devrait être prête pour 2025, mais selon notre confrère du journal Le Monde, David Larousserie, le projet rencontre des problèmes de financement. Le montant total s'élève à 10,6 milliards d'euros. Or, le CERN n'a que la moitié de ce budget. L'Organisation européenne pour la recherche nucléaire devrait donc rechercher des fonds. Et enfin, selon une étude parue dans The Annals of Internal Medicine, le THC aurait bien des vertus antalgiques. Une équipe américaine a mené une grande méta-analyse sur les cannabinoïdes et leurs effets pour soulager la douleur chronique. Les chercheurs ont examiné 25 essais cliniques, avec au total plus de 14 000 participants, des essais sur 1 à 6 mois, avec des patients touchés par différents types de douleurs. Il se trouve que les traitements avec des niveaux élevés de THC et de CBD réduisent efficacement la douleur, mais aussi avec des effets secondaires tels que des étourdissements, des nausées et des somnolences. Donc avant de devenir une alternative aux opioïdes, il faut encore d'autres études sur le cannabis médical, car on ne sait rien des effets à long terme, ni des déficits cognitifs et autres troubles liés à sa consommation régulière. Et merci Natacha, à demain pour le prochain Journal des Sciences. Tout a commencé par de petites start-up jusqu'à la création de la plateforme de paiement en ligne PayPal. C'était il y a plus de 20 ans. Après PayPal vient tout de suite SpaceX, puis Tesla, puis l'Hyperloop, puis Neuralink. Elon Musk, sud-africain naturalisé américain, s'est imposé entre coup de génie et coup de bluff ou coup de bol comme le façonneur de notre futur. Il est devenu l'homme le plus riche du monde et pourtant aucun de ses grands projets n'a été pour le moment un succès commercial pérenne ou qui assure directement dans sa richesse. Mais il le dit à qui veut l'entendre, c'est lui qui façonnera notre société de demain, qu'on le veuille ou non, notre futur sera celui qu'il a en tête. Mais derrière cette ambition démesurée reste une question de taille. Est-ce que tout cela est bien sérieux scientifiquement? Est-ce un énorme coup de bluff qui séduit les marchés financiers ou est-il vraiment l'artisan de notre avenir collectif? Un exemple parmi d'autres de ces annonces coup de poing, nous sommes en juin 2020. L'histoire ne nous propose que deux directions. Rester sur Terre pour toujours et assister à notre extinction. L'alternative, c'est bien sûr de devenir une espèce capable d'aller sur différentes planètes. Et c'est ça que nous voulons. Nous voulons rejoindre la quatrième planète sur la gauche, Mars. Voilà, l'avenir d'Elon Musk passe par Mars et par des êtres humain à la surface de la planète rouge. Pour le moment, c'est un effet d'annonce, mais ça reste un effet d'annonce puisque à peu près l'intégralité de la communauté scientifique dit qu'on est encore très loin d'être capable d'arriver à ce niveau-là, Olivier Lascar. Oui, Elon Musk promet Mars depuis longtemps, depuis le début de SpaceX. Effectivement, 2022, c'est l'anniversaire, c'est les 20 ans de SpaceX. Ouais. Et au cœur du projet SpaceX, il y a bien le voyage vers Mars. Il faut bien comprendre qu'avec Musk, en tout cas dans la façon dont il présente les choses, le voyage vers la planète rouge ne serait pas une conséquence heureuse d'un succès de SpaceX, mais c'est bien le projet même de cette entreprise. Alors pour ce qui est d'y aller, il y a différentes façons d'y aller. Et effectivement, là, les mots, chaque mot est compte, puisque dans le propos de Musk, le plus important finalement, c'est le mot de colonisation. Ce que promet Musk, c'est la colonisation de Mars. Et la colonisation de Mars, ça veut dire l'aller simple. Ça veut dire on s'y installe et on y reste. Et c'est ça, effectivement, qui fait bondir les spécialistes. Parce que ce projet de s'installer sur Mars, il est absolument pas plausible, parce que Mars, c'est l'hostilité faite planète, en quelque sorte. Oui, plausible pour le moment, mais c'est là qu'on voit bien, finalement, la dissonance qu'il peut y avoir entre les intentions et la capacité scientifique de réaliser. Parce que, finalement, un voyage vers Mars, tout le monde est à peu près d'accord pour se dire que à un moment donné, ce sera possible. Une colonie, c'est peut-être aller un peu loin. Mais on voit bien, néanmoins, Stéphane Barensky, et c'est ça qui est passionnant avec ce personnage hautement controversé, et on va en discuter, que Musk, jusqu'à présent, a réussi, par moment, à plier la réalité scientifique à sa volonté. Disons que Musk, c'est un peu le Thomas Edison du 21e siècle, c'est-à-dire avant tout, non pas un grand inventeur, mais un homme du narratif. Tout est dans la façon de présenter les choses. La grande référence de Musk derrière la colonisation de Mars, c'est un auteur américain qui s'appelait Robert Heinlein, qui a écrit un livre en 1950 qui s'appelait Destination... non, ça c'est le film qui en a été tiré. Le roman s'appelait L'homme qui vendit la Lune, dans lequel il explique que c'est au secteur privé de prendre le contrôle de la conquête spatiale et que finalement le gouvernement suivra et soutiendra l'effort. Et il y a cette vision, je dirais, assez romantique du spatial où quelque part il vous suffit d'avoir un vaisseau, une réserve d'oxygène et un moteur et vous allez partout. Quand on voit la façon dont il envisage d'aller sur Mars, c'est vrai que la question de comment faire en sorte que les gens ne s'entretuent pas au bout de deux semaines de voyage n'apparaît jamais. Honnêtement, aller sur Mars, je n'y enverrai pas mon pire ennemi. Mars, c'est hostile, Mars, c'est sinistre, c'est sombre, c'est froid, c'est silencieux. Personne ne pense à ça. C'est horriblement silencieux. Et s'ils vont là-bas, ils devront prendre beaucoup d'antidépresseurs et beaucoup de vitamine D. Et quand les gens me disent « moi, j'aimerais bien aller mourir sur Mars », je le dis toujours, ça va être beaucoup plus rapide et beaucoup plus désagréable que vous l'imaginez. Oui, c'est-à-dire qu'il y a déjà le fait de rester sur Mars, et puis encore une fois, les problèmes du trajet jusqu'à Mars sont encore nombreux. Ce qui est intéressant, c'est de voir finalement comment, effectivement, comme le raconte Stéphane Barensky, ce que pose Elon Musk vis-à-vis de la communauté scientifique, ce sont des discours ce sont des histoires, mais dont certaines qu'il arrive à mettre en place. Quand on commence à parler de la fusée réutilisable, il emprunte en fait. Ce rapport avec Thomas Edison, c'est assez intéressant, parce que finalement, Musk n'est pas quelqu'un qui a beaucoup d'idées. Il a des ambitions et il emprunte des idées qu'il reprend à sa sauce. Il y a plein de choses dans votre question, Nicolas, c'est vrai que c'est passionnant, parce que on voit que Musk, qui est volontiers dépeint en noir et en blanc, quoi, hein, il a soit des personnes qui l'idolâtrent, soit d'autres qui le désinguent. En fait, c'est un personnage qui a beaucoup plus de complexité. Il y a beaucoup plus de niveaux de gris dans Elon Musk. Et effectivement, il y a un côté... Il réalise ce qu'il promet. Quand on discute avec des gens qui ont pu travailler avec lui, il y a par exemple cette question du premier principe de la physique. Quand on discute avec Musk, ses ingénieurs, certains que j'ai pu rencontrer pour les besoins du livre, discutent avec lui. Musk leur dit « Moi, je voudrais qu'on aille sur Mars ». Les ingénieurs lui répondent « C'est pas possible ». Musk répond « Pourquoi c'est pas possible ? Quel est le principe de physique qui fait que c'est impossible ?» Et là-dessus, les gars, lui, en face, se disent bah, « En fait, il n'y en a pas, parce que calculer la trajectoire, dimensionner le véhicule, savoir où atterrir, on sait le faire. » D'ailleurs, on le fait, puisqu'on le fait avec des rovers. Hein, le voyage vers Mars, on le fait, il est déjà opérationnel. Donc à partir de là, Musk dit « Si ça n'est pas impossible, ça veut dire que c'est possible. » Et c'est dans cette mesure qu'il arrive à faire avancer un récit, le récit que décrit Stéphane, effectivement. Mais qui est basé sur une réalité scientifique et technologique, qui n'est pas effectivement de son fait. C'est là où je dis que dans votre question, Nicolas, il y a plein de dimensions. C'est-à-dire que Musk, qu'est-ce que c'est Musk ? Est-ce que c'est un scientifique ? Non, c'est pas un scientifique. C'est un entrepreneur. C'est un entrepreneur, mais c'est aussi un innovateur. C'est aussi un visionnaire. Mais il est difficile à faire rentrer dans une seule boîte. C'est un prestidigitateur aussi, hein, à de nombreux égards. Il est pas binaire, Musk. C'est là où il devient assez intéressant quand on commence à regarder un petit peu le personnage de près. Stéphane Marinsky. Voilà. Donc, j'allais dire illusionniste. Ouais, oui. On revient. C'est plus dur à dire, ce prestidigitateur. Ah, bah, oui, vous êtes courageux. Vous êtes un homme de radio. Le problème chez Musk, c'est vrai qu'il est très très bon à passer pour un inventeur. Il fait croire qu'il est le créateur de Tesla. Non, il n'a été que le premier investisseur. C'est pas du tout la même chose. Il a fait la fusée réutilisable, le Falcon 9. Sauf que le Falcon 9, quand on regarde ce que c'est un Zénith, c'est-à-dire un lanceur ukrainien qui avait été conçu par les soviétiques pour être lançable très vite, très facilement, pour contrebalancer la guerre des étoiles de Ronald Reagan, sur lequel il a mis des moteurs développés par la NASA, sur la base du moteur du module lunaire d'Apollo, c'est-à-dire un moteur qui permet de se poser. Et là-dedans, il a mis des algorithmes de calcul qui viennent d'un programme de la NASA aussi, qui s'appelait Delta Clipper, où la NASA avait testé donc un petit vaisseau-fusée qui décollait et qui revenait se poser pour apprendre justement à piloter ce genre de choses. Là-dedans, il n'a rien inventé. Son intelligence, ouais, ça a été de l'industrialiser. Ouais. Parce que finalement, tous ces projets existaient séparément, ils étaient dans les cartons de la NASA. Et puis, politiquement, rien n'avait été fait dans cette direction. Alors, juste comme ça, est-ce que vous connaissez Monsieur Robert Bill ? Vous allez nous dire qui c'est. Robert Bill, c'était un banquier texan qui, dans les années 90, a dit « Il y a un marché pour les lanceurs spatiaux, je vais développer un lanceur spatial. » Il avait lui aussi beaucoup d'argent, il a mis beaucoup d'argent. Il a développé des moteurs, il a préparé donc le lanceur Bill. Et puis, au bout d'un moment, il a épuisé ses réserves, il a dit « J'arrête, voilà. » Il était arrivé au mauvais moment. 10 ans plus tard, Elon Musk arrive, il a de l'argent, il dit « Oh, je vais faire des fusées, ça me fait plaisir, c'est mon kiff. » Tout ce que j'ai lu comme science-fiction quand j'étais gamin, parce que je suis de la même génération que lui, donc on a lu les mêmes bouquins. Et je le retrouve là-dedans. c'est assez étonnant. Et donc, il commence par faire un petit lanceur, le Falcon 1, et puis il dit « J'ai de l'argent pour faire 3 lancements. Si je plante mes 3 lancements, j'arrête. » Il fait ses lancements, il les plante tous les 3, mais le 3e est tellement près de réussir qu'ils en font un 4e, et là, ça marche. Et puis, ça s'arrête tout de suite, parce que le Falcon 1, il n'y a pas de marché. C'est mal dimensionné. Et là, il y a un moment très difficile, finalement, où c'est « j'ai plus un rond, qu'est-ce que je fais ?» Et là, sa chance, c'est que juste l'année après qu'il a créé SpaceX, Columbia se désintègre en rentrant dans l'atmosphère. En 2003, et on doit arrêter la navette. Mmh. On doit arrêter la navette, donc ça veut dire qu'il va falloir trouver un autre moyen de ravitailler la station spatiale, avec des cargos notamment, pour commencer. Et la NASA dit, comme on va se concentrer sur le retour vers la Lune, c'est déjà à l'époque, ça, aujourd'hui les technologies existent, on va l'externaliser auprès de l'industrie. Et donc ils lancent un appel d'offres. Et avec SpaceX, ils proposent donc une capsule, la capsule Dragon, et ils remportent l'appel d'offres. Et quand il le raconte, il dit qu'il était sur le point de se mettre une balle dans la tête. Et oui, là, parce que il était quasiment en défaut de paiement. Il était en défaut de paiement, il savait plus qu'en sortir. Et là, d'un seul coup, pouf, 2 milliards de dollars qui arrivent. Évidemment, il voit l'avenir un peu plus sereinement. Et surtout, quand la NASA amène ce contrat, elle ne donne pas que l'argent. Elle ouvre l'armoire à brevets. Mmh. Et là, il a accès à tout. C'est le trésor, c'est la caverne d'Alibaba. France Culture, la méthode scientifique, Nicolas Martin. Et à 16h20, nous parlons donc d'Elon Musk en lien avec ce livre publié récemment par mon camarade Olivier Lascar, Enquête sur Elon Musk, l'homme qui défie la science, avec cette question qui sous-tend tout ce livre sur les différents chantiers d'Elon Musk. Encore une fois, quelles sont les bases scientifiques et finalement comment cet homme, à partir d'un certain nombre de chantiers, est devenu aujourd'hui l'homme le plus riche du monde. Nous en parlons donc avec évidemment Olivier Lascar et Stéphane Barinski. Peut-être un mot, Olivier Lascar, pour rappeler d'où vient Elon Musk, qui est cette personne, comment est-ce qu'il arrive à faire finalement ce hold-up un peu sur l'innovation et sur ces secteurs de pointe. Et comme le rappelait Stéphane Barinski, Elon Musk, il est évidemment élevé, biberonné à la science-fiction. Elon Musk, il est né en 71, il est né en Afrique du Sud et il est d'ascendance nord-américaine, hein, sa mère est d'origine canadienne. Il a eu un grand-père qui était vraiment une personnalité haute en couleur, qui faisait des voyages en avion monoplace avec son épouse, des traversées homériques à son époque. Et homérique, mais vraiment homérique, c'est-à-dire oui. qu'il fait Afrique du Sud, Australie, ça, avec un micro avion. Et il finit par se crasher. Il meurt dans une destruction de son appareil. Musk a 3 ou 4 ans. Mais c'est une figure un petit peu mythique, familiale. Vous savez, dans toutes les familles, il y a des figures comme ça qu'on se transmet de génération en génération, qui est une sorte de modèle. Et Musk a dit à différentes occasions qu'il considérait que sa tolérance au risque, elle venait de cette figure du grand-père. Il a quitté l'Afrique du Sud assez jeune pour partir aux États-Unis parce que adolescent, effectivement, il y a eu deux passions hein, qu'il a contractées dans sa jeunesse. Il y a la science-fiction qu'a cité Stéphane. Et ce qui est important de dire, c'est que effectivement, voilà, c'est une génération qui est à l'insu de son plein gré, comme on dit maintenant, fan de science-fiction, parce qu'on a grandi avec la science-fiction. Mais il y a différentes graduations dans la science-fiction. Il y a le tout venant, si je puis dire, qui est tout à fait magnifique. Enfin voilà, j'adore Star Wars, mais tout le monde a les mêmes références de Star Wars. Et si Musk a appelé la Falcon, c'est aussi en référence au Millennium Falcon de Han Solo. Mais Musk, c'est aussi celui qui va chercher des références raffinées, comme celle des noms des plateformes sur lesquelles atterrissent ces fameuses fusée repositionnable qui s'appelle Of Course I Still Love You and Just Read the Instructions, qui sont des noms qui viennent de la littérature de Ian M. Banks, qui est un auteur écossais de science-fiction qui a fait le cycle de la culture, qui est considéré comme un pape de la SF par les amateurs de science-fiction littéraire, mais qui est absolument inconnu par le grand public, tout simplement parce qu'il pas par les auditrices et les auditeurs de la méthode scientifique. Non, mais il y a toujours le curseur du cinéma. Bien sûr, hein, oui, la Netflixisation des œuvres, tant qu'on n'y est pas passé, on n'est pas connu du plus grand nombre. Et effectivement, Banks, il n'est pas connu. Mais Musk a ce type de référence. La première fois qu'il parle de Neuralink, on en parlera plus tard sans doute dans l'émission, qu'il parle de cette interface entre le cerveau et les ordinateurs, il ne sait pas trop comment il va s'y prendre. On lui pose des questions, on essaie de lui tirer les vers du nez. Il sort l'expression de dentelle neuronale. Ça, c'est une expression qui vient de Ian Banks. Donc, il a ses références à la science-fiction tout le temps. Mais son autre passion, c'est l'informatique, évidemment. Il a eu le coup de foudre de sa génération pour la micro-informatique. Il faut voir qu'on parle, voilà, de cette génération qui voit la micro-informatique entrer dans les maisons, les domiciles. Avant, les ordinateurs, c'était ces mammouths qui prenaient un open space entier. Maintenant, on peut avoir des petites machines sur lesquelles on programme. Et donc, Musk, il passe là-dedans. Et c'est un enfant du numérique, quoi, de l'informatique. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand on le voit racheter ou pas racheter, puisqu'il y a des pérégrinations Twitter, c'est quand même un retour aux sources, en quelque sorte, parce que c'est un enfant du numérique et de l'informatique. Et ce goût de l'informatique, il le pratique d'ailleurs dans ses autres activités, puisque quand il fait de l'espace, quand il fait des fusées, il le fait à la façon d'un informaticien. Et alors, on va passer, parce que tout le monde peu ou prou connaît le début, c'est-à-dire que quelques startups, puis l'aventure PayPal. PayPal est racheté, ça lui donne du cash. Tout de suite, c'est SpaceX. C'est-à-dire qu'on oublie, on pense à souvent Elon Musk en disant « Elon Musk est Tesla », mais SpaceX arrive bien avant Tesla, avec, comme le disait Olivier, l'idée tout de suite, immédiatement, de se dire « on va viser Mars », alors qu'il n'a effectivement pas encore les assises financières pour avoir ces ambitions-là. Et surtout, ce qui est passionnant, Stéphane Marensky, dans cette aventure SpaceX dont vous venez de rappeler, finalement, qu'il y a le coup de bol de l'appel d'offres initial de la NASA, c'est que il va... quasiment seul, alors, et avec une méthode d'ailleurs très très différente et très distincte de son grand concurrent Jeff Bezos, imposer un nouveau modèle spatial à bien ce qu'était l'aérospatial antique, c'est-à-dire des grandes agences nationales, publiques, avec des coûts gigantesques, des projets pharaoniques. Lui va dire, on va changer, on va faire bigger, cheaper, faster, en gros. Plus gros, moins cher et plus rapide. Ouais, sauf que bigger, faster, cheaper, c'était le motto de la NASA. La NASA, oui, dans les années 90. Et tout le monde avait oublié que derrière, il fallait rajouter « pick only two ». Non, je choisissais que deux, les trois termes. Il faut bien aussi se rappeler que par rapport aux autres nations spatiales, aux autres grands groupes spatiaux, les autres groupes spatiaux, s'il y a des agences et tout ça, c'est qu'il y a un besoin stratégique particulier. Prenons par exemple l'exemple de l'Europe. L'Europe a besoin de lanceurs. Pourquoi ? Parce que si elle n'a pas ses propres lanceurs pour lancer ses propres satellites, elle n'a plus de politique. Voilà. Notre politique environnementale, notre politique de défense, tout dépend de notre capacité à avoir nos propres sources d'information, notre propre infrastructure. Et aux États-Unis, ça existe déjà, mais c'est pas SpaceX. C'est une société qui s'appelle ULA, qui est donc United Launch Alliance, qui est composée de Lockheed Martin et de Boeing. C'est elle qui fournit l'essentiel du lancement du Pentagone. SpaceX a essayé, enfin Elon Musk a essayé d'attaquer l'US Air Force, ils attaquent en justice, pour obtenir plus de lancements. Il est devenu le second fournisseur. Il permet en fait, en cassant les prix, au Pentagone, de titiller un peu ULA, de leur dire c'est vos prix parce que l'autre il fait moins. Mais n'empêche que ça reste ULA qui fait les deux tiers des lancements gouvernementaux américains. Parce que, quelque part, pour le gouvernement américain, c'est bien d'avoir un acteur dont on est sûr qu'il va durer, alors qu'avec SpaceX, on ne sait pas trop ce qui va se passer. Mais ce qui est intéressant surtout, c'est la façon dont il va du coup impulser, initier ce qu'on appelle aujourd'hui les New Space, c'est-à-dire complètement révolutionner la façon de faire de l'aérospatial. C'est-à-dire, au lieu de tester progressivement, pas à pas, de modifier, etc., Elon Musk, c'est la stratégie du die and retry. Alors, je m'écrase, mais je recommence, et à un moment donné, ça va finir par passer. Deux sujets particuliers, alors je vais passer très très vite sur les New Space. On a, là aussi, on se rend compte que le narratif n'est pas maîtrisé de ce côté de l'Atlantique. Les inventeurs du New Space, c'est quelqu'un qui s'appelle Frédéric Dallest, qui était le président du CNES dans la fin des années 70. Et c'est lui qui a eu l'idée de commercialiser les lancements spatiaux, ce qui ne se faisait pas avant. Il y a eu une très forte opposition des Américains sur la question. Donc on a commencé à faire Ariane Espace pour vendre des Ariane. Les Américains étaient contre. Et finalement, en 84, quand ils ont vu que la navette ne serait pas l'outil commercial possible, ils ont eux aussi décidé de commercialiser leurs lanceurs. Mais, on l'a jamais vendu ça comme étant une révolution, le New Space. Par contre, les Américains se sont pas gênés pour reprendre le terme plus tard, à leur sauce. Sur les aspects de die and retry, il y a un affrontement entre une vision, je dirais, franco-latine de la technologie et une vision très anglo-saxonne. D'un côté, on a le cartésianisme. De l'autre côté, on a l'empirisme. Le cartésianisme, c'est j'ai des ressources limitées, je vais bien réfléchir à ce que je vais faire avant de le faire, ça me coûtera moins cher. Le problème, c'est que du coup, on prend des responsabilités et si on se plante, c'est assez mal vu. Donc, quelque part, il y a une adversité à l'échec. L'autre côté, finalement, c'est un peu... il y a de l'argent, il est là, donc tant qu'à faire, on fait des prototypes et c'est l'approximation successive. qui n'est pas la meilleure méthode pour arriver. Il y a un côté shadowkien, finalement. Bien sûr, mais qui était surtout vraiment très, très à l'inverse de la racine même de la façon dont la course à l'espace s'est développée depuis les années 60. C'est-à-dire qu'il fallait qu'on soit le plus sûr possible avant de faire le premier essai avec le traumatisme initial d'Apollo 1, etc. À part lui, les autres doivent rendre des comptes à des actionnaires. Oui. Lui n'a pas ce problème. Quelque part, il fait ce qu'il veut. Il ne rend compte qu'à lui-même. Et ça lui permet d'être, de cette manière, le candidat anti-système. Voilà. C'est ça qui le rend extrêmement populaire. C'est une espèce de gourou pop transgressif qui, justement, tant pis si je me plante, c'est mon argent. Mais c'est intéressant cette notion de gourou pop transgressif parce que les États-Unis raffolent de ces personnages-là. On peut penser à Steve Jobs, évidemment, à ces gens qui viennent d'un seul coup bouleverser un système économique en proposant des modèles qui sont complètement, on va utiliser ce mot très vilain, mais disruptifs. Et si on sort un peu de l'aventure spatiale, parce qu'on a beaucoup parlé du New Space ici, on va vous mettre les liens évidemment vers les émissions précédentes. Mais si on pense à Starlink, par exemple, Starlink aussi, c'est un vrai changement de rapport au tir, de rapport à l'espace. Il est maître de la chaîne de bout en bout, et puis il envoie, ça casse, ça redonde, c'est pas grave, c'est une autre façon de pratiquer, quoi. Oui, Starlink, c'est un sujet majeur quand on s'intéresse à Elon Musk, parce que là aussi, c'est les poupées russes, c'est-à-dire que c'est des problèmes enchâssés les uns dans les autres. Il y a un premier problème, c'est une première façon de voir les choses, c'est effectivement ce nouveau rapport au matériel qu'on envoie dans l'espace. Hein. Comme vous le disiez à l'instant, avant, le satellite, c'était le truc qui était nickel-chrome, qu'on avait bichonné pendant des années et qui devait fonctionner pendant des années également. Là, il a inventé en quelque sorte le satellite obsolète. Oui, le satellite jetable. Le satellite jetable. 2 à 3 ans d'âge, hein, ils auront ces satellites de Starlink. Et ils sont faits pour se dégrader rapidement en rentrant dans l'atmosphère, etc. Donc ça, c'est une première façon différente de voir les choses. La deuxième chose, c'est que effectivement, avec Starlink, il est en train de monter un business juteux parce que il maîtrise tous les éléments de la chaîne, le lancement avec les lanceurs Falcon, etc., les satellites avec les Starlink, et puis le service qui est cette façon d'utiliser les satellites pour avoir Internet partout, sans fil, un Internet qui tombe du ciel. Bon. À haut débit. En maîtrisant tous ces éléments de la chaîne, il attend des revenus, je crois, de l'ordre de 25 milliards de dollars par an. Donc c'est une somme assez coquette. Oui, mais il les attend, ça aussi c'est quelque chose dont on va parler, c'est qu'il les attend, c'est-à-dire que pour le moment, toutes ces activités-là, elles ne produisent pas encore l'argent espéré, c'est-à-dire que pour le moment, il vit encore des prébendes de la NASA, de l'argent, d'une partie d'argent public et des actionnaires. Et il vit beaucoup de l'argent qu'il lève tous les ans, voilà. C'est exceptionnel, tous les ans il lève environ 2 milliards. Comme ça, 2 milliards qui tombent de nulle part, de gens qui finalement ne lui demandent pas beaucoup de comptes, parce qu'il garde toujours 80% des voix. Donc il continue à faire ce qu'il veut. Ces gens-là ont très confiance en lui. Je sais pas combien de temps ça va durer. Là, il est en train essayer de lever 1,7 milliard, mais apparemment le marché est un peu tiède en ce moment. Peut-être que c'est des affaires avec Twitter. Mais plusieurs points sur Starlink, parce que je suis pas tout à fait d'accord avec ce que dit Louis Lascar. On a beaucoup parlé du lanceur réutilisable. Et on dit c'est merveilleux, il a fait du lanceur réutilisable. On l'a étudié ici aussi, le lanceur réutilisable, notamment avec les Russes. On avait un système qui s'appelait Baïkal et on s'est dit techniquement on peut le faire. Est-ce que ça a du sens? Et donc, on s'est rendu compte, on a mis les chiffres sur la table, on a travaillé sur la question, et qu'est-ce qui se passe? C'est, ça marche à partir du moment où les étages, on les réutilise au moins 10 fois, et on vole au moins 40 fois par an. Et là, SpaceX, Elon Musk, il s'est dit, je vais faire ça, et il a cassé les prix sur le marché, de manière à ratisser le plus large possible. Il a pris tous les lancements possibles de la NASA, y compris ceux où il lançait un truc de 200 kilos sur une fusée qui pouvait en lancer 10 tonnes. Il a pris vraiment tout ce qu'il pouvait, il a pris cassé les prix sur le marché commercial, il a tout pris, il a pris les marchés gouvernementaux, et il a culminé à 25 lancements. C'était pas assez. Et donc, il fallait quelque chose pour remplir ces lanceurs. Chic, une constellation qu'on doit renouveler en permanence, des lancements toutes les semaines, tout le temps, tous les 15 jours quasiment. Voilà, et du coup ça permet de faire fonctionner l'économie du lanceur réutilisable, qui du coup n'est pas applicable pour les autres. Mais après, se pose la question, c'est est-ce que ces satellites vont réellement servir à quelque chose? Parce que l'internet à haut débit, on le fait très bien de l'orbite géostationnaire avec beaucoup moins de satellites. Là, on lance, quand il a commencé à lancer, il n'y avait pas 1000 satellites actifs autour du monde. Bon, ça a un peu augmenté maintenant, mais aujourd'hui, on peut considérer quasiment qu'un satellite sur deux appartient à SpaceX. appartient à Elon Musk. Et là, il parle de lancer 30 000 de plus, des choses énormes. Et cela, en se moquant comme d'une guigne, finalement, des autres occupants de l'orbite. Et des personnes qui protestent depuis la Terre pour les questions d'observation. Les astrophysiciens, parce que effectivement, ça génère une pollution visuelle et d'ordre des radiofréquences considérable, qui fait que les scientifiques maintenant rencontrent des difficultés nouvelles à observer les cieux en raison des méga constellations. Mais ce qui est intéressant aussi, je trouve, par rapport à Starlink, c'est que ça illustre dans cet art du récit d'Elon Musk sa façon de procéder avec une sorte de tir à deux coups. C'est-à-dire qu'il fait diversion en parlant de Mars, de la colonie de Mars, c'est ça qui remplit les tuyaux et c'est ça qui fait parler. Et pendant ce temps, à bas bruit, il avance dans la colonisation réelle, pour le coup, de l'orbite basse terrestre en installant ses satellites. Ce qui fait qu'il y a des scientifiques que j'ai interrogés dans le bouquin qui me disent « Nous, on s'est rendu compte de la présence des satellites Starlink une fois qu'ils étaient déjà en place, quoi. Mmh. » Et on est mis devant le fait établi. Donc, c'est ça aussi Musk. C'est-à-dire, il passe pour un doux rêveur parce qu'il parle de projets très science-fictionnels à échéance lointaine, mais en fait, ça lui permet d'alimenter l'intérêt des financiers et d'alimenter un business qui lui permette de faire des choses d'ores et déjà qui sont beaucoup plus pragmatiques, finalement. Et de construire une histoire qui lui permet de lever de l'argent. Mais il n'y a pas que l'espace dans les projets d'Elon Musk. Son projet, c'est véritablement le projet d'un futur, d'une humanité future, d'un post-humanisme. Et on en parle dans quelques secondes musicales. Come off your rails and it ain't going well. You've been running up bills, you had to cancel your cards. You're shooting out street lamps or shooting at stars. And now your credit is falling, heard it booming at parties. Whispered in homes, the pond is on the radio, won't leave it alone. I heard it once, heard it twice, heard it well enough to tell. This ain't a mission of mine, it's destined to fail now. Climb down to the edge of your rope, got a letter about a month ago. Controllers say we're coming down hard. We locked our keys in our cars or got booted at bars. And now the movement is lost, so we're blowing up God's phone, bringing us off hold soon. Bottle on space, but our asses are frozen. Blowing up smoke to punch a hole in the ozone. Now you say we should have stayed on. Fading, fading, we never made it. Fading, traded for your replacement. Fading, we never made it. What you trying to be lately? Climb down to the edge of your seat. They say their viewership for launch is up by 50 this week. Changing format completely, cut the filler for me. It's just blood on your TV, making killings for free. The ticket lines past the sign down at the end of the street. Meeting great VIPs, go a million apiece. We delay the show for entry, so expired on the lease. Now we're gonna re-release it. Mission to Mars de Rainbow Kitten Surprise à 16h35 sur France Culture, puisque nous parlons notamment de l'ambition de cet homme qui veut envoyer des êtres humains sur Mars, Elon Musk, et la question finalement de la scientificité qu'il peut y avoir derrière ces divers projets. Nous en parlons avec Olivier Lascar, rédacteur en chef du pôle numérique de Sciences et Avenir et auteur de Enquête sur Elon Musk, l'homme qui défie la science aux éditions Aliso Science, et Stéphane Barensky, rédacteur en chef du magazine Aérospatium et chroniqueur à l'Express. Avant de passer à un autre des grands chantiers d'Elon Musk, qui est Neuralink, une question, Olivier Lascar. Est-ce que il y a un conseil scientifique autour d'Elon Musk? Est-ce qu'il est entouré de scientifiques ou est-ce qu'il décide de tout seul? Alors, les deux. C'est-à-dire qu'il est entouré de scientifiques, il est entouré d'ingénieurs, il est avec SpaceX, il y a eu Tom Mueller qui était vraiment le haut du panier, hein, question conception de moteurs, etc., moteurs fusées. Donc il est entouré de scientifiques extrêmement capés, mais il est l'ingénieur en chef. C'est-à-dire que c'est lui qui tranche. Et ce pouvoir total qu'il a entre les mains, c'est à la fois de toute évidence pour lui une cause de jouissance, puisqu'il aime le pratiquer, il aime l'exposer. Hein, il est le seul. C'est piquant de voir quelqu'un qui veut être le défenseur de la liberté d'expression, qui est en fait le seul autorisé à parler pour chacune de ses entreprises, hein, en quelque sorte. Bon. Et à côté de ça, ça devient un problème parce qu'effectivement, toutes ces entreprises sont vues au prisme uniquement de sa personne. Et comme il se fait de plus en plus d'ennemis, on voit qu'il est, il arrive au niveau de l'hubris, hein, Elon Musk. Hein, c'est-à-dire qu'il a ce. Il senti... arrive peut-être qu'il y est depuis un certain temps. Oui, mais justement, il est sur un plateau. Il est un plateau. Il plafonne. Il plafonne. Alors, il devrait faire attention parce que c'est des sortes de plafonds dont on peut glisser assez facilement. Donc, il est extrêmement bien entouré. On le voit avec Neuralink aussi. On le voit avec Tesla, hein, avec tout ce qui est du ressort de l'intelligence artificielle, de la voiture autonome. Il n'est pas le seul à avancer sur ces disciplines-là. Hein. Donc, il est très bien entouré, mais c'est lui qui tranche. Avec ce paradoxe qu'on peut prendre dans l'actualité sous forme d'un clin d'œil, mais un clin d'œil un peu peut-être acide pour un homme qui prétend dessiner le futur et imaginer la société de demain. Il a fuité un mail récent à propos du télétravail où il explique bien que travailler chez soi, c'est bien gentil si on fait d'abord 40 heures par semaine. Dans ses bureaux. Voilà. La société de demain, c'est quand même pas trop demain. Surtout au bureau. Il est entouré de gens qui l'apprécient à partir du moment où ils ne vont pas à l'encontre de ce qu'il dit. Oui. Moi, j'ai connu numéro 3 de SpaceX qui un jour s'est retrouvé à l'entrée de la société avec son petit carton entre deux vigiles. Parce qu'il avait dit quelque chose. Alors là, par contre, au niveau des avocats, ça doit être très très bien bordé parce qu'il n'a jamais dit ce qui s'était passé. Oui. Mais bon, c'est. J'imagine que les enjeux financiers derrière sont assez importants. C'est des boîtes où il y a un turnover terrible, hein. C'est-à-dire que les gens sont épuisés, ils n'y restent pas, mais c'est des boîtes qui ont aussi un pouvoir d'attraction tel que la circulation se fait. Il y a autant d'entrants que de sortants. Et autant de matières grises entrantes que de matières grises sortantes. Donc ça continue à fonctionner. Et puis ça fait toujours bien dans le CV. Oui, bien sûr, mais vous avez raison de le dire. Effectivement, c'est les gens restent moins de 2 ans. Et après, ils vont fonder une autre société. qui va devenir sous-traitante, et puis non. Non. SpaceX, c'est quand même encore une opposition entre Elon Musk et Bezos. Elon Musk est hégémonique. Il ne partage pas. Bezos veut toujours être dans la coopération avec l'industrie, avec la NASA, avec tout le monde. Quand il a fallu concevoir un système pour permettre aux astronautes américains de descendre sur la Lune, SpaceX a présenté un système où il contrôlait absolument tout, alors que Bezos s'est associé avec Boeing, avec Lockheed Martin, avec Northrop Grumman, avec des grands noms de l'industrie, de manière à, c'était ce qu'ils appelaient ça la national team, de manière à grouper tout le monde. Et cette approche est très très différente entre les deux hommes. Parlons de Neuralink, qui est là aussi un des grands projets d'Elon Musk. Neuralink, là, une fois de plus, référence évidemment à la science-fiction par tous les bouts. L'idée de connecter directement le cerveau humain à l'ordinateur, de créer des puces, des implants, de faire une interface cerveau-machine. Un mot là-dessus aussi, parce que c'est vraiment le deuxième fer de lance d'Elon Musk, auquel il croit beaucoup. Il a fait d'ailleurs quelques démonstrations sur des animaux. D'où ça vient et pourquoi cette envie absolue de partir sur ce chemin qui est là aussi un chemin qui est scientifiquement assez hasardeux. Alors ça vient aussi d'un paradoxe à mon sens parce que tout démarre de la façon dont Musk a approché l'intelligence artificielle que par ailleurs il utilise pour les voitures autonomes. Mais enfin bref, en tout cas, le sujet en général de l'intelligence artificielle, à une certaine occasion, pendant un sommet, on l'a interrogé là-dessus, on lui dit, avec tous les fers que vous avez au feu, est-ce que vous n'allez pas fonder une boîte sur l'intelligence artificielle? Et là, il dit, ah là là là là, non, l'intelligence artificielle, ça me file une pétoche pas possible. Alors là, son interlocuteur lui dit « Alors bon, j'imagine qu'il n'y aura pas un HAL 9000 en référence à celui de 2001 dans le vaisseau qui ira sur Mars. » Et là, puisque dans le film, HAL devient fou et provoque la disparition de la mission, en tout cas un sort funeste pour elle, Musk dit « À côté des capacités réelles de l'intelligence artificielle, HAL ne serait qu'un toutou. » Donc il commence avec un diagnostic en disant « L'intelligence artificielle, c'est une catastrophe et ça pourrait arriver, on pourrait arriver à une situation où les machines prendraient l'ascendant sur l'humain. » Et sur ce diagnostic... Ce qui est aussi un point de vue qui est assez, on ne va pas dire délirant, mais encore très très prospectif, absolument, pour le dire de manière euphémistique. Absolument, puisque là on est sur le débat de l'intelligence artificielle forte, l'intelligence artificielle faible. C'est le syndrome de Frankenstein. Ouais. Ça remonte assez loin. Et partant de ce constat, au bout d'un moment, il dit l'intelligence artificielle, de toute façon, c'est cuit en quelque sorte, ça fait tellement de progrès qu'on va y arriver. Donc il n'y a qu'une seule façon de s'assurer que les machines dotées d'intelligence artificielle ne prendront pas le dessus sur l'humanité, c'est qu'il faut intégrer l'intelligence artificielle à l'humain. Il faut créer une forme de symbiose entre l'être humain et l'ordinateur. Et cette symbiose, dans son récit, il est articulé par ces capteurs qui seront positionnés dans le cerveau et qui permettront, par la pensée, de commander des machines. Voilà comment il en arrive à Neuralink. Alors c'est un récit, mais c'est aussi une réalité, puisque Neuralink maintenant existe et développe effectivement des capteurs dont il a fait certaines démonstrations sur des animaux. Il y a eu une vidéo qu'on trouve sur YouTube, enfin qui a été faite, c'était un direct. Qu'on va poster sur le fil Twitter, bien sûr. Elon Musk n'est pas un scientifique. Elon Musk ne fait pas de communication scientifique académique. Hein, il faut pas chercher des publications d'Elon Musk dans The Lancet ou dans Nature. Hein, il y en a pas. Donc lui, sa communication scientifique, il l'a fait en vidéo sur YouTube et compagnie. Donc pour Neuralink, il y a 2 ans, il a fait une vidéo, il a montré sur des cochons qui avaient été implantés de ces capteurs comment les signaux des neurones qui réagissaient à l'activité des groins des cochons qui farfouillaient dans le foin qui était autour d'eux, comment cette activité électrique était enregistrée et retraduite sous la forme de graphique grâce à ces capteurs Neuralink. Ça fait complètement SF, mais ça commence à avoir une forme de réalité et puis surtout ça sort pas d'un chapeau. Et puis, il y a eu un deuxième test avec un chimpanzé. Alors, avec un singe, effectivement. C'est un chimpanzé, non? Non, c'est un macaque. Qui s'appelle Pager. Dans le livre, je dis qu'on pourrait l'appeler King parce qu'il joue à Pong. Ça ferait King Pong. Voilà, excusez-moi pour ça. Et donc, vous avez trop fréquenté la méthode scientifique, Olivier. Voilà, c'est ça. Ce sera un bon titre d'émission. Et donc, ce singe est équipé d'un capteur. Et on voit dans cette vidéo qui est très courte comment... Alors, Pong, c'est quoi? C'est un jeu des années 70 à peu près. Hein. C'est le premier jeu vidéo. C'est ces deux petites raquettes et puis qui se renvoient une bille. Hein. Chaque raquette est d'une part et d'autre de l'écran. Elle renvoie une bille. Et normalement, on active ça avec une manette. Et là, le singe n'a plus de manette et ce sont ses yeux, la direction de ses yeux qui évolue sur l'écran pour faire bouger la raquette, et le signal électrique qui correspond au mouvement de ses yeux est capté par le capteur et transformé en un signal électrique qui va commander le jeu vidéo. Et ça, on le voit en vidéo, mais on aimerait pouvoir lever le capot et avoir plus d'informations. Et avoir une étude scientifique. Avoir une étude scientifique, on l'a pas. Oui. Hein, vous savez qu'il y a des jeux au cirque depuis très longtemps où on dit on a un cheval qui sait compter, on lui dit 4 plus 4 ça fait combien, et le cheval tape 4 fois du sabot sur le sol, on dit c'est merveilleux, il sait compter. Sauf qu'il va taper 8 fois s'il fait 8 fois. Mais bon, oui, là, c'est comme le Phi Circus, les cirques de puces, enfin bref, tout oui. Ça peut tout de quand il n'y a pas d'études scientifiques, on ne peut pas être garanti. C'est ce qu'on reproche d'ailleurs aux robots également de Boston Dynamics, de ne pas avoir de transparence sur les études scientifiques. Mais revenons-en à la science, puisque sur cette ambition d'interface cerveau-machine, l'idée n'est pas neuve. Et pour le coup, avec des vertus qui ne sont pas des vertus nécessairement pour jouer à un jeu vidéo, mais des vertus curatives, et notamment pour la maladie de Parkinson. Bonjour Céline Lozanne. Bonjour Nicolas. Vous êtes rendu à l'Institut du cerveau à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, où ce type de pratique est étudiée justement. Oui, alors moi je voulais vous parler de la stimulation cérébrale profonde ou l'optogénétique, parce qu'on savait déjà depuis quelque temps arriver à inhiber ou activer certains mécanismes cérébraux dans le cas donc de maladies neurodégénératives comme Parkinson ou bien dans le cas de troubles comme les TOC. Eric Burguière, par exemple, étudie avec son équipe les dysfonctionnements liés aux TOC sur modèle murin pour tenter d'en réduire les effets grâce à ce genre de dispositif. Alors après, s'il admire la technologie de Neuralink, il s'interroge toutefois sur la finalité des applications. Donc l'optogénétique, ça commence par modifier l'expression des protéines de chaque neurone. On injecte du matériel génétique dans les cellules pour qu'elles expriment des protéines qui sont sensibles à de la lumière. Donc on a la possibilité de viser le type de neurone qu'on veut, donc c'est ça qui est très intéressant. Alors dans le cas de ce qu'on fait au laboratoire, et on s'intéresse à ces circuits qui vont être impliqués dans la régulation du comportement, de comportement compulsif. Donc tout d'abord, on a des modèles animaux, donc des souris qui ont les symptômes compulsifs qu'on peut observer chez les patients. Donc elles vont faire du toilettage de manière compulsive. Et ensuite, chez ces souris-là, on va aller viser des circuits neuronaux qu'on suspecte, d'après la littérature, d'être impliqués dans la régulation des comportements. Et donc, on va aller mettre nos électrodes au niveau de ces circuits-là. Et grâce à l'optogénétique, on peut aller plus décortiquer les circuits. Mais pour autant, c'est pas la même démarche que déploie Elon Musk quand, par exemple, lui, il met un implant dans le cortex. C'est vers ça qu'il va, en fait. Enfin, je ne peux pas parler à sa place, mais ça sera l'intérêt, j'imagine, des techniques qu'il veut développer. On n'a pas vraiment une stratégie claire sur ce qu'ils veulent faire. Mais l'idée, c'est qu'il faut d'abord pouvoir avoir une bonne lecture de ce qui se passe dans le cerveau. Donc ce qu'il fait avec Neuralink, qui est déjà une grosse partie qu'on fait dans les laboratoires depuis des dizaines d'années, hein, mais c'est d'aller observer l'activité neuronale. C'est juste d'aller l'enregistrer. Ça, c'est une partie de neuro-ingénierie qui est encore une fois développée dans les labos depuis un certain temps, dont l'équivalent, si on parle du système Neuralink, est déjà disponible dans les labos depuis un certain nombre d'années. Ça a juste une autre forme, on va dire. Mais sinon, c'est vraiment exactement pareil. Donc l'originalité, qui n'en est plus une du coup, mais du dispositif d'Elon Musk, c'est ça. C'est que c'est avec une puce extrêmement réduite, il a une grande quantité d'informations, beaucoup d'électrodes. C'est fait dans les laboratoires depuis un certain temps. Donc là, on arrive dans le laboratoire. C'est une petite salle de conception de nos électrodes. Ça sent l'électronique déjà. Oui, alors il y a beaucoup d'électronique dans tout ça. C'est vrai que là, on a beaucoup de choses, de matériel, des câbles, des... Comment on fabrique une électrode? Alors, je vais vous montrer, voilà. Tout à fait, ces dispositifs. Alors, ça commence par... C'est assez complexe, hein. C'est si vous aimiez faire des maquettes ou ce genre de choses. On est sur de la miniaturisation. Ouais, c'est exactement. C'est miniaturisé. Il faut savoir que le type d'implant, on va appeler ça des implants, hein, sur qui porte l'électronique qui est implantée dans le cerveau ici. Et pas la même type de choses que ce qui peut se faire dans les dispositifs d'Elon Musk, on va dire dans les électrodes haute densité. Là, en termes de dimension, là, c'est Je dirais 2-3 centimètres. Alors, il y a un petit chapeau en fait qu'on retire quand on fait les enregistrements, mais sinon c'est 2-3 centimètres. Et surtout, je peux vous laisser sous-peser. On a fait en sorte que le poids soit optimisé, parce que ça, c'est des choses qui sont portées par... Ça pèse 2 grammes. Peine 2 grammes. Ouais. Ça, c'est du plastique. En fait, on fait ça avec l'imprimante 3D que vous voyez derrière nous. Donc, on fait en impression 3D tous ces petits... l'entourage, en fait, de l'implant, qu'on essaye d'optimiser pour être le plus léger possible. Et à l'intérieur, là, vous pourrez pas le voir, mais même si j'essayais de vous le montrer, ce serait dur à voir... Je vois. Ah ben non, mais en fait, on peut se servir même du microscope, c'est à ça que ça sert. Vous voyez les petits fils qui dépassent? Ouais, je vois les tout petits fils. Bon, ça, c'est les électrodes. Qui sortent du... Voilà. Donc ça, c'est les électrodes. Donc vous les voyez presque pas à l'œil nu. Il faut savoir que ça, notre but, c'est pas d'en enregistrer le plus possible d'activité neuronale. Ce que fait pour le coup l'approche de ce que j'ai vu dans Neuralink, c'est des implants fixes, c'est-à-dire que c'est des grilles d'électrodes qui ne bougent pas. Et donc on a énormément de données, ça a un avantage. Le désavantage, c'est quand on cherche des choses dans le cerveau, c'est bien de pouvoir les bouger de manière individuelle. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des tétrodes, c'est le type d'électrode qu'on utilise. Et comment on les déplace alors ? Et on les déplace, et alors est-ce que vous pouvez le voir ici ? Oui, je pense, si on enlève le petit chapeau, hop, parce que forcément elle l'a... Ça, c'était implanté sur la tête d'une souris, en fait, avec du ciment dentaire. Et vous voyez les toutes petites vis qu'il y a là ? Vous les voyez, les petites vis en métal, là, qui sont fixées sur les petits... C'est des petits ressorts, en fait. C'est cette couronne blanche en plastique qui est repliée. Et les vis, quand on les descend, eh ben, ça pousse les électrodes. D'accord. Donc chaque électrode, dans notre cas, peut être bougée indépendamment. Et voilà, donc c'est des approches différentes, complémentaires. Tout est une question de savoir quel est l'objectif, en fait. Dans le cas de ce que peut faire Neuralink et les intentions qu'il y a derrière, on peut se demander dans quel but on va le faire. Et autant nous, d'un point de vue académique et clinique, enfin la communauté, on va dire, dans son ensemble, dans son grand ensemble international, va être très bordée et contrôlée, autant le grand risque, ce que je vois là-dedans, c'est que même s'ils arrivent à en faire quelque chose de tout ce qu'ils collectent, qui va arbitrer ? Quand on va parler de grandes questions comme le transhumanisme, augmenter vos pensées, vous faire devenir plus agressif, moins agressif, que ça dépende d'une seule personne, pour moi ça c'est très problématique. Voilà, ça c'est des sciences avec des études confirmées. La question qui se pose derrière, parce que Neuralink, on va peut-être pas évoquer tous les problèmes, mais enfin, ces problèmes-là, ils ont été pointés par des neuroscientifiques, les puces dans le cerveau, avec notamment la glie, ça finit par être recouvert, d'être moins efficace. Pourquoi est-ce qu'on comprend pourquoi Elon Musk se soustrait finalement à la validation scientifique, alors que elle ne pourrait finalement que lui apporter du crédit? Je crois qu'il est vraiment pas du tout là-dedans. Il a un rapport aux sciences qui n'est pas celui-là. C'est pas son éducation. Il a pas fait. Il a commencé un petit peu à Stanford. Il n'est pas allé très loin. Il a le goût de la science de garage. On essaye, comme vous disiez tout à l'heure, on essaye, on crache, on recommence. Et il applique ça dans toutes les catégories. Il y a au cœur d'Elon Musk, il y a la fameuse science-fiction dont on a parlé en début d'émission, qui fait le lien entre tous les projets. Et l'autre élément qui fait le lien, c'est cette croyance qui est ancrée en lui que la technologie apporte la réponse à tous les problèmes. Hein, vous savez, en finance, il y avait cette théorie comme quoi la main du marché allait surgir à un moment pour apporter la solution et dire et donner la régulation. Là, chez Musk, on a le néolibéralisme. Néolibéralisme. Ouais. Et ben Musk, il est néo-techno quelque chose parce qu'il croit que avec la technologie, il y aura la solution à tout. Ce qui est c'est là où c'est éminemment questionnable. La position d'Elon Musk. Mais pour conclure, la question que l'on peut poser pour finir, c'est est-ce que finalement cette pratique à grand renfort, voilà, d'erreurs, mais de milliards d'investissements, est malgré tout un moteur pour la recherche, c'est-à-dire débouche tout de même sur des nouveaux modèles, sur des applications, sur des choses concrètes, ou est-ce que finalement c'est juste un investisseur caractériel qui va finir par s'effondrer comme tout le reste parce que précisément, bien, il a eu un peu de chance avec SpaceX, mais le reste ne va pas tenir la route. Qu'est-ce que vous en pensez ? On parlait de la main du marché. Moi, je reviendrai à cette notion très américaine de la destinée manifeste. C'est la main de la providence. On a eu, il y a eu un congrès d'astronautique à Washington en 2019, quand même, où Mike Pence nous expliquait que le système solaire était américain. Et le grand problème de tous ces gens, de toute cette vision du monde, c'est qu'ils se sentent dans leur bon droit. Et le problème de la science à ce niveau-là, c'est que ça met des freins, ça met des questions éthiques. Si Elon Musk était passionné de science réellement, il ne pourrirait pas la vie des astronomes. Il n'irait pas envoyer des choses sur Mars alors qu'il y a un concept qui s'appelle la protection planétaire. Mmh. Puisque la chose la plus intéressante qu'il y a à faire sur Mars, c'est d'y chercher de la vie. Et le meilleur moyen de la trouver, c'est de pas l'y amener. Mmh. Bien sûr, c'est de ne pas la polluer avec... C'est de ne pas la polluer. À partir du moment où des choses se mettent en travers, ça le gêne. Et donc, on voit bien sur Neuralink ou sur d'autres projets combien quelque part, il le contourne. Excusez-moi, moi, la chose qui me vient à l'esprit, c'est Rabelais, hein. Science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Ça reste le cœur du problème. Votre opinion là-dessus, Olivier ? Oui, il partage pas, comme ça a été dit, Musk. Donc, comme vous disiez, Nicolas, est-ce que ça va, in fine, profiter à toute la collectivité ? C'est là où on peut franchement en douter. Ça va profiter à une catégorie très réduite de personnes. Il y a un des astrophysiciens à qui je parle dans le livre de la colonisation, il dit ce sont des rêves d'hommes blancs riches. Voilà. Donc, il y a une certaine catégorie de personnel, si je puis dire, qui pourra profiter de l'avancée de la science et de la technologie à la sauce de Musk, mais aussi de ses camarades Bezos, Larry Page qui crée Calico, des choses comme ça. Mais ça ne va pas infuser sur la totalité. Et là, dans l'avenir, ça va être un point intéressant à regarder, c'est comment Musk va faire avec ça, parce que son discours, il va pas passer auprès de la... il faudra qu'à un moment donné, le discours passe auprès de la collectivité, parce que on est dans un... Voilà, les problèmes du GIEC, les problèmes de réchauffement climatique, etc. Si à un moment donné, il s'investit pas là-dedans aussi, Elon Musk, il va pas pouvoir continuer à fonctionner sur l'engouement qu'il a généré jusqu'à présent. Il y a l'espace durable aussi. Ce sera le mot de la fin. Enquête sur Elon Musk par Olivier Lascar, l'homme qui défie la science. Elon Musk, génie ou escroc? Des éléments, des indices que nous venons de vous donner pendant cette heure d'émission. Mais plongez-vous dans ce bouquin et dans cette enquête tout à fait passionnante. Merci à tous les deux. Merci Olivier Lascar. Merci Stéphane Barinski. La méthode scientifique, c'est Céline Lezen, Natacha Triou, Noïm Naguette Saint-Vulfranc, Eve Etienne, Amel Boucherka, Alexandra Delbo, Olivier Bétard à la réalisation, Edouard Rubinstein à la technique. Et comme toujours, la méthode scientifique, c'est en podcast sur l'application Radio France et sur France Culture.fr à tout jamais jusqu'à la fin des temps, jusqu'à preuve du contraire.